Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouveau numéro de DevOps. Alors aujourd'hui, je suis accompagné par Mathieu. Salut. Tu as déjà eu dans un précédent podcast, tu nous avais présenté ton offre CAS, donc de Kubernetes as a Service que tu avais chez Exoscale. Aujourd'hui, on va parler de Bash. Alors Bash, l'interpréteur de commandes et plus généralement en fait des scripts. Et là, pour le coup, je te laisse te présenter. En effet, j'étais déjà venu dans le podcast, donc merci encore pour cette nouvelle invitation. Je m'appelle Mathieu Corbin, j'ai travaillé comme administrateur système et ensuite comme développeur mais appliqué à de l'infra chez un cloud provider, chez Exoscale, pendant presque 4 ans. Et c'est là en effet que, enfin j'étais encore chez Exoscale quand j'étais intervenu la dernière fois. Maintenant, je suis repassé SRE, donc dans chez Conto, qui est une startup française. Voilà pour les présentations. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire, à part que je suis toujours un peu des deux côtés, côté dev. Enfin, selon ma carrière, je passe soit ops, soit dev, selon mes envies, on va dire. J'ai un peu la double casquette. C'est cool. Enfin, c'est, voilà. Donc, c'est-à-dire quand même, il y a eu du changement depuis la dernière fois où t'es intervenu. C'est ça. Avec un poste cool différent aussi. Je t'invite donc aujourd'hui pour parler en fait d'un sujet un peu d'actualité. Alors d'actualité, c'est un peu bizarre de dire d'actualité quand on parle de Bash. Mais t'as écrit donc il y a de ça déjà presque 2 ans, je crois, un article sur Bash que tu vas pouvoir nous résumer. Et il faut dire qu'il a été assez repris dernièrement avec des personnes qui l'ont commenté et t'as même dû faire encore une réponse par rapport à ça, mais on va en discuter maintenant. Et donc le format donc de ce podcast, ça va être vraiment d'être une réaction par rapport à ce sujet, de voir peut-être donc ton opinion, ton avis, le comprendre peut-être un peu plus et voir après ce qu'on peut en tirer en fait et voir ce que tout le monde va pouvoir en comprendre. Donc je te laisse peut-être résumer d'ailleurs à la base pourquoi t'as créé cet article il y a quelques années. En effet, j'avais fait mon premier article en décembre 2020 et je voulais aussi commencer par ça parce que c'est parti d'un constat en fait, cet article. J'ai commencé ma carrière en grand groupe, dans des missions en grand groupe, donc où c'était tout était fait d'ailleurs en KSH, voilà. Donc avec des scripts de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de lignes, où vraiment tout était fait. Mais quand je dis tout, c'était tout. Même il y avait un espèce de système d'init maison en KSH. Tous les scripts de déploiement étaient en KSH. Il y avait encore de l'AX. Donc voilà, c'était un contexte assez compliqué. Et pour être honnête, c'était ingérable. C'était vraiment ingérable, immaintenable. Ça plantait en permanence. C'était des scripts en plus non versionnés avec un historique, on va dire, écrit en commentaire en début de script. Donc ça se passait un peu comme ça de personne en personne. Et donc dans mon équipe, on essayait un peu de se débarrasser de ça et de moderniser vraiment la stack. On était la première équipe à parler déploiement continu, infra as code ou des choses comme ça. Parce qu'on avait beaucoup de problèmes avec le shell. Donc dans cette, enfin là je vais dire shell, je pense, enfin on peut parler de shell et pas forcément que de bash. Finalement tout ce que je vais dire sur bash pour moi s'applique également à KSH ou à d'autres shell. Mais voilà, donc il y avait déjà ce constat-là de faire de l'infra avec un gros coup de script, ça marchait pas, c'était pas maintenable sur le long terme, on pourra revenir sur pourquoi. Ensuite, j'ai évolué, j'ai changé d'entreprise, j'ai travaillé beaucoup sur de la CI CD également, j'ai travaillé en tant que, maintenant je travaille en tant que SRE, et il y a quelque chose vraiment constant pour moi que je vois en permanence, c'est quand il y a du shell qui est un peu trop utilisé, c'est-à-dire des scripts trop longs ou avec de la logique, donc quand la logique ça va être des boucles, des conditions, de la logique peut-être métier aussi. Alors métier, ça peut être même côté infra, notre métier c'est de déployer des choses, donc dès qu'il commence à avoir vraiment de la logique, etc., il y a des erreurs, il y a des scripts qui plantent, c'est souvent des scripts de qualité avec une gestion d'erreurs difficile, des bugs subtils. J'en ai encore eu ce matin, bizarrement, quelqu'un qui avait oublié dans un script de déploiement continu des espaces, vous savez, autour dans une comparaison bash. Donc autour de l'opérateur égal, parce que voilà, une comparaison, enfin en bash c'est une fonction, donc ça prend un certain nombre de paramètres, et donc si vous enlevez des espaces entre une comparaison de chaîne par exemple et le égal, ça plante. Donc voilà, il y a vraiment eu cette constante au long de ma carrière où à chaque fois qu'il y avait du shell utilisé, ça marchait mal. Et d'ailleurs j'en parlais avec beaucoup de gens qui n'étaient pas forcément d'accord, et je me souviens d'ailleurs d'une réflexion que j'avais fait à quelqu'un une fois. J'avais dit je suis sûr, prends ta collection de script shell qui était sur GitHub, regarde ton historique, je suis sûr que tu vas voir fix up, et c'était le cas. Je veux dire, c'est vraiment quelque chose que j'ai vu. Et finalement, avec le temps, je me suis dit, mais moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est qu'aujourd'hui, finalement, nos scripts, Déjà, moi, je fais pas vraiment la distinction entre script et programme. C'est que nos scripts, c'est des vrais programmes au final, qui ont besoin d'être maintenus, bah, comme des programmes classiques. Je fais plus la distinction en disant, bah voilà, ça c'est un script, ça c'est un programme, et ils vont pas avoir le même cycle de vie ou les mêmes outils, voilà, pour les utiliser. Pour moi, les deux, c'est des programmes. Et bah, pourquoi ne pas, et moi, je faisais beaucoup de dev, comme je l'ai dit, j'ai travaillé aussi également en tant que dev, je me disais, mais pourquoi on n'utilise pas les mêmes outils que les développeurs pour faire nos scripts? Pourquoi on s'inspire pas d'eux? Et j'ai l'impression que dans l'administration système, il y avait un peu cette chose de dire, les développeurs, ils doivent faire des tests, ils doivent faire des, voilà, il y en a marre des devs, ça c'est le truc classique, hein, le sysadmin grognon, il y en a marre des devs qui poussent des bugs, etc. Mais par contre, alors pour les scripts internes, là c'est open bar, il y a aucun problème à faire, à y aller en mode YOLO, balancer des scripts faits à l'arrache sur un coin de table en prod, là ça posait pas de problème. Donc il y avait aussi un peu ce truc-là qui me gênait et je me disais, mais voilà, pourquoi on fait ça? Surtout dans le monde d'aujourd'hui, on pourra en reparler, où finalement, c'est pas de l'humain qui pilote de l'infra, c'est des programmes. Et donc, j'ai écrit ce premier article où j'ai montré certains points limitants de Bash, selon moi. Enfin, je dis selon moi, mais au final, il y a des choses, c'est de la tech, donc c'est difficile de, c'est pas du mensonge, je veux dire. On va pouvoir revenir sur ces points. Et en effet, l'article est ressorti, enfin, il ressort de temps en temps, en fait. Et là, il est ressorti récemment. Donc, j'en avais fait un deuxième pour clarifier certaines choses. Mais voilà, mais au final, cet article à la base, c'est là par un constat. Enfin, deux constats, c'est plein d'erreurs dans les scripts Bash et, mais en fait, pourquoi on fait du Bash? Pourquoi on fait pas autre chose? On fait du Bash parce que il y a 10 ans, on faisait du Bash, ou il y a 20 ans, ou du KSH, je sais pas. Et il y a d'autres outils aujourd'hui et d'autres philosophies. Vous dites aussi pour écrire des programmes, je pense. Pour faire de l'administration système. Bah, c'est vrai que là, je te rejoins complètement. Il faut voir que, donc, je le précise, hein, j'ai fait des invitations un peu plus larges pour avoir d'autres avis dessus. Donc là, il pourrait y avoir aussi un droit de réponse hein, si quelqu'un veut. Donc là, malheureusement, on est deux personnes qui avons à peu près la même opinion, puisque moi, c'est vrai que dans mon expérience, je partage totalement l'expérience. J'ai déjà été dans des compagnies où absolument toute la prod tournait avec un seul script shell. Puis c'était du bash, je pense que c'était du bash quand même. Toute la prod tournait avec un script bash, c'est-à-dire que c'était tous les programmes de la prod qui tournaient en étant préfixés par ce wrapper. Ce wrapper, il n'était pas testé, il avait... Alors, on l'avait quand même mis dans un git. Mais en fait, il était dans un git lié à un cookbook chef. C'est-à-dire qu'en fait, il suivait le cycle de vie d'un cookbook chef et n'était pas du tout lié avec sa propre cycle de vie. Donc, il n'était pas testé, en fait. Il était juste... C'était un asset... dans le déploiement, alors que absolument toute la prod tournait dessus. On n'avait pas de linting, on n'avait pas de test dessus, on n'avait absolument rien. Et c'est vrai que c'est un point qui revient assez régulièrement quand on regarde les scripts shell, c'est que ils n'ont pas une qualité très forte. Et alors, quand ils commencent à avoir une qualité très forte, tu l'as parlé de la gestion d'erreurs, mais moi, je peux parler aussi de la gestion des entrées, de toutes les options qu'on peut mettre dedans, etc. Tout est possible de faire. Il faut voir que Shell ou Bash va être un langage Turing complet, donc globalement, on va pouvoir faire à peu près ce qu'on veut avec. Le problème, c'est que soit il est simple et il est simpliste, il ne gère pas tous les cas et il va avoir beaucoup tendance à planter, soit il devient extrêmement verbeux et il va tester beaucoup de cas, et dans ces cas-là, il devient absolument illisible. Et il devient même très compliqué à maintenir, à faire évoluer, en fait, de manière propre. Et donc, on arrive au constat que tu as dit, c'est des fix-up un peu tout le temps, un niveau de qualité qui est faible. Et c'est assez dommage parce que, et je pense que ça, c'est un constat qu'on pourra avoir, c'est qu'on touche à de la prod, on touche à quelque chose qui doit fonctionner et qui doit même plus fonctionner que un petit script qui fait un joli Hello World sur une page web. On parle pas du même niveau de qualité qu'un script JavaScript juste shiny, on parle vraiment de la prod. C'est ça. Et c'est vraiment dommage. Dommage d'un an. Donc là, j'ai cité juste un exemple parce que c'est vraiment celui auquel je pense. Et donc toi, là, justement, dans l'article, est-ce que tu donnais des... donc là, parce qu'on est parti donc, du constat, dans les faits, est-ce que... Donc là, il y a quoi, par exemple, comme choses qui sont limitantes pour toi quand on parle de Bash et même de tous les shells, en règle générale, que tu listais? Ouais, t'en as déjà listé certains, finalement. Enfin, certaines. La gestion d'erreurs, pour moi, c'en est une. Alors, bien sûr, on peut faire du set, etc., pour stopper un script quand il y a des erreurs. On peut faire, checker des statuts code, des commandes qui sont appelées, etc., etc. mais on est très très loin de d'une gestion d'erreur comme dans un langage de programmation, voilà, je vais y arriver, classique, que ça soit des stack traces, des types erreurs, etc. Ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui sont dures à expliquer. Je voudrais juste revenir là-dessus dans mes articles. C'est qu'en fait, souvent, je parle à des administratifs de ça et d'autres choses que je vais mentionner. En fait, ils me disent oui, mais non, mais je suis même pas sûr qu'ils comprennent parce qu'en fait, c'est des concepts souvent de dev. C'est-à-dire, quand je vais parler, voilà, je parle de choses parfois des sysadmin, mais sans avoir les notions de développement de base pour comprendre ces choses-là, c'est compliqué de voir l'intérêt que ça a, en fait. Une gestion d'erreur, par exemple, typée, un type result, ou une gestion avec des exceptions, des stack traces, etc., etc. Et ça, c'est quelque chose de très commun, c'est-à-dire, c'est en fait un manque de connaissance pour moi. Et c'est dur quand il manque une connaissance de se dire, bah, qu'est-ce que ça va m'apporter? Parce qu'en fait, je connais déjà pas c'est quoi le truc, le concept. Donc voilà, je voulais juste dire ça avant parce que je vais parler de beaucoup de concepts de dev, en effet. Et ces concepts-là, bah voilà, si en tant qu'ops, on les maîtrise pas, en tant qu'administratif, si on les maîtrise pas, on peut pas comprendre leur intérêt. Et ça, c'est un point, je pense, que très important. C'est vrai, je voulais y aller après, justement. Et ça, c'est, ouais. Tu soulèves le point principal, en fait, du pourquoi tes articles vont revenir et pourquoi on a cet attachement, souvent à Bash. C'est en effet que c'est très simple à prendre en main, mais en même temps, va avoir énormément de soucis ensuite. Et en effet, si jamais on ne connaît pas ce qu'on peut faire d'autre, c'est dur de l'imaginer, en fait. On ne sait pas, c'est on ne connaît pas ce qu'on ne sait pas. Et on ne sait pas ce qu'on ne connaît pas. Et en fait, on a à peu près le même problème quand on a des gens qui font du PHP et du Python, dans le sens où c'est le premier langage de programmation que les gens vont accéder. C'est un langage extrêmement simple à prendre en main, qui permet de faire beaucoup de choses. Et en fait, pour quelqu'un qui fait du Python au quotidien, c'est dur de lui dire qu'il peut y avoir d'autres langages meilleurs, sachant que il est déjà capable de tout faire avec du Python. Et que, bah, globalement, ça répond à tous ses problèmes actuels. Et je pense qu'on a à peu près le même problème avec les admin 6 qui font du bash, c'est que quand on a, depuis 20 ans, on fait du bash, qu'on est capable de faire absolument tout avec, c'est dur d'imaginer qu'il puisse y avoir autre chose qui le fait mieux. Soit ça veut dire qu'on s'est trompé depuis 20 ans, soit ça veut dire que bah au final ça va être shiny et je vais y perdre trop de temps derrière à apprendre quelque chose d'autre et je vais quasiment avoir un système de perte irrécupérable, c'est-à-dire si jamais je passe à un nouveau système à quel point je vais perdre la connaissance que j'ai déjà accumulée avant, parce qu'au final il faut voir que ces admin 6 qui font du bash, c'est des gens qui connaissent extrêmement bien bash. Enfin, en tout cas, des petites subtilités du langage, de faire des parsings de lignes de commande avec du bash, avec des getops, etc., etc. C'est un truc qui est immonde, mais vraiment immonde. Mais quand on le connaît, sans doute que ça va vite. En tout cas, on le voit vite. On a même aussi souvent ce problématique qui vient régulièrement, qui est si j'ai besoin de bash une fois, pourquoi j'aurais à apprendre un autre langage alors qu'il faut que j'uniformise, que je standardise? Et donc, bah, si je fais du bash une fois, bah, je dois faire du bash tout le temps. Et ça, c'est on ça. Le retrouve aussi dans d'autres écosystèmes. Et je dirais aussi un truc, c'est qu'aujourd'hui, ça va très vite. C'est-à-dire qu'il y a un peu aussi un truc dans l'administration système que j'ai vu au cours de ma carrière et très souvent sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que plus on utilise des trucs un peu bas niveau, etc., plus on est hardcore un peu. C'est un peu, ouais, moi, je fais tout en bash. Ou limite voilà, je connais très bien le kernel, c'est moi le big boss parce que voilà, je fais des trucs super low level ou super on va dire typé admin 6, et dès qu'on commence à parler un peu de choses un peu au niveau d'abstraction, de langage, de concept de programmation, de développeur, bah là on est vu comme voilà, un DevOps, ingénieur YAML, enfin moi je m'en prends régulièrement des comme ça, des je sais pas, enfin voilà, c'est parce qu'en gros on n'a pas de connaissances, voilà, parce que on n'est pas assez bas niveau en fait pour eux. C'est-à-dire, ça y est, on est passé côté dev, on est limite chez l'ennemi. C'est-à-dire, c'est un peu ça hein, au final hein, le truc. C'est, bah voilà, maintenant tu fais du dev, t'es plus un vrai sysadmin, tu fais plus du bash. Attention, enfin il y a un peu cette culture dans l'administration système que j'ai du mal à comprendre. De, c'est moi le plus hardcore et c'est moi avec mes script shell, etc. qui un peu en mode héros sauveur. Voilà, boum, je sauve la prod avec mon petit script shell écrit sur un coin d'une table. C'est pas du tout ma vision en fait de l'administration système aujourd'hui, mais vraiment pas. Et voilà. Mais pour revenir sur la question, justement, peut-être ouais, voilà, reviens peut-être. J'allais te revenir là-dessus justement, peut-être pour enlever ça, pour bien montrer que quand on parle de bash, on le connaît également et que c'est pas parce qu'on fait du dev qu'on connaît plus prémices d'infrastructure. Qu'est-ce que toi, tu vois comme problématique, comme problème avec Bash? Ouais. Alors, la gestion d'erreurs, j'en ai parlé. Ça n'a rien à voir avec une vraie gestion d'erreurs typée, etc., avec des stack traces, avec des erreurs qui peuvent se gérer et même être détectées, on va dire. Le fait d'oublier de gérer une erreur peut être détecté à la compilation ou des choses comme ça, ou via des linters. Donc ça, c'est une première chose. Ça va très vite de se tirer une balle dans le pied en Bash sur ça, je trouve. On peut également parler de la gestion, on va dire, de tout le cycle de vie du programme, gestion de dépendance, de modularisation, de création de librairies, enfin, de bibliothèques, et de partage de ces bibliothèques des outils comme, je sais pas, Maven en Java. Enfin, chaque langage a finalement son outil de partage de librairies. En Go, ça va être GitHub, mais bon, voilà. Généralement, la gestion des dépendances en Go, c'est pas, on va dire, extra, mais bon, c'est toujours mieux que Bash. Mais je veux dire, il y a cette notion vraiment de partage et de qui est beaucoup plus simple à faire, on va dire, dans un langage de programmation, voilà, n'importe lequel, qu'en Bash pour moi, ou en Bash pour partager quelque chose. Généralement, c'est j'ai des bibliothèques de fonctions et je fais du source ou des choses comme ça. Mais on n'est pas du tout sur, pour moi, une vraie gestion de dépendance. Donc ça va être également un point. Ça va être aussi sur un point important. Ça va être le typage, c'est un point important. Ça limite quand même beaucoup d'erreurs et c'est très intéressant d'avoir du typage dans un programme. Et pour aller plus loin, sur les structures de données également. Notre quotidien, c'est quand même de travailler avec des systèmes externes, des API, donc envoyer des requêtes généralement et recevoir des réponses, travailler avec des fichiers de configuration, travailler avec de la donnée. En fait, c'est ça un point important, c'est qu'on travaille généralement avec de la donnée pour représenter toutes sortes de choses. Et donc, dans des langages de programmation, on va utiliser quoi pour représenter ces données? On va utiliser des classes, des structs, ça dépend du langage, c'est pas les mêmes concepts à chaque fois, hein. Mais on a des représentations pour des outils pour représenter de la donnée de manière fiable, on va dire, pouvoir gérer son cycle de vie, on va dire, voir attacher des fonctions à cette donnée pour pouvoir la modifier. Et ça, en fait, Bash est très mauvais à ça. Le shell en général, je veux dire, les structures de données, faire un tableau en Bash, c'est déjà affreux. Alors, un tableau en deux dimensions, j'en parle pas, mais là, je veux même pas parler de structures de données comme des HMAP ou autres, mais juste représenter, mettons, un payload de requête HTTP avec un user, mettons, on doit créer un utilisateur dans une API, et il a quoi comme, c'est quoi son payload? C'est name, par exemple, nom, prénom, adresse qui est elle-même une structure de données avec ville, rue, etc., etc. Bah, représenter ce genre de choses dans le langage, c'est très compliqué en Bash. Alors que dans d'autres langages, c'est beaucoup plus simple et ça se fait de manière beaucoup plus fiable. Donc la sérialisation, désérialisation, que ce soit en JSON, en YAML ou autre, se fait de manière beaucoup plus simple. Enfin bref, on a beaucoup de choses qui arrivent, qui sont amenées grâce à ça. Et pour moi, Bash aujourd'hui, sur les systèmes actuels où finalement on traite beaucoup de données, c'est pas du tout pertinent. Et même dès qu'on doit interagir avec une API, faire de la validation d'input, etc., t'en parler. C'est la galère en Bash, quoi. Surtout le fait que ça soit pas typé, ça n'aide pas non plus. J'ai d'autres points, mais je sais pas si tu veux réagir là-dessus, peut-être d'abord ou pas, mais. Bah oui, non, mais t'as tout à fait raison. Ouais. C'est le fait que Bash, donc, il faut un peu rappeler comment ça marche. On est vraiment dans uniquement des strings, des caractères qui sont passés de commande en commande. C'est au final vraiment ça la base. Alors, ça a un énorme intérêt. C'est un énorme atout au quotidien, c'est que toutes les commandes parlent à peu près de la même façon et que n'importe quelle commande peut parler avec n'importe quelle autre. Ça a un énorme, énorme avantage là-dedans. On n'a pas de notion compliquée d'évolution, tout est string et tout se passe en des strings. Mais en effet, après, on a le drawback par rapport à ça, qui est si jamais votre commande rajoute une ligne de log au milieu d'un string de données, et eh ben vous avez pas de moyen de le savoir. Il y a pas vraiment de notion et en fait vous allez gérer cette ligne là comme n'importe quelle autre et donc le problème en fait qu'on va avoir dans Bash, et c'est un peu le contrôle d'erreur que tu faisais et le contrôle de données et le contrôle d'erreur en fait les deux en même temps, c'est que les problèmes peuvent aller au carré, quoi. C'est-à-dire que un problème généré par une commande va se répéter à celle d'ensuite, à celle d'après. Et on va avoir un effet d'emballement parce qu'il n'y a pas vraiment de contrôle par rapport à ça. Un contrôle vraiment de est-ce que la donnée que j'ai reçue est logique ou non. Et ça, pour le coup, en Go, on a moins ce problème-là. Et c'est un truc qui a été sans doute mis dès le début, qui est que quasiment toutes les commandes renvoient une erreur ou pas. on a vraiment cette notion. Alors, des gens qui aiment pas, qui préféreraient que ce soit des stack trace, enfin des interruptions au niveau de la fonction. Mais voilà, on a toujours une erreur qui est renvoyée et on doit checker les erreurs en permanence. Et on voit vraiment la différence entre les deux, en fait. On a vraiment un langage qui a été basé sur le fait qu'il faut checker les erreurs quasiment tout le temps. La moitié du programme qu'on fait, c'est du checking d'erreurs. Et de l'autre côté, quelque chose qui juste balance des strings. Des strings qui ne représentent rien. C'est-à-dire, ça représente des choses, mais c'est on va dire, c'est pas encodé dans le langage. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de struct, il n'y a pas de classe, il n'y a pas de. C'est. Voilà, c'est géré un peu comme ça. Et en effet, GoForce. D'ailleurs, mais c'est assez drôle, c'est que je sais que j'avais discuté avec pas mal de gens qui sont dans l'univers .NET. Et en fait, PowerShell était un shell, et toujours d'ailleurs, alors après, je connais très mal, s'il y a des gens fans de PowerShell qui connaissent très bien. Mais normalement, le but de PowerShell, c'est que justement, toutes les commandes renvoient des objets. Et donc, tu peux avoir un mapping des objets et donc des commandes qui vont chercher seulement un bout. Enfin, c'est vraiment en fait quelque chose où le pipe entre deux commandes, c'est un objet qui est renvoyé et plus uniquement une string. Alors qu'en bash, en gros, la gestion d'objets, c'est JQ, quoi. Ça va dire, oui, voilà, c'est un JQ, mais en fait, après, le problème, c'est en fait, il faut donc que la commande gère JSON, en fait. C'est-à-dire que vraiment, la seule façon d'envoyer un objet complexe entre deux commandes, c'est d'envoyer du JSON. Sauf que, en plus, c'est assez drôle, c'est que la plupart du temps, les gens vont détester JSON ou YAML pour cette même problématique-là, en fait, qui est ah oui, mais c'est pas géré partout, etc. Je rebondis également sur la gestion de dépendance dont tu as parlé. Il faut voir que donc il y a la gestion de dépendance du code, donc une librairie, une fonction bash. Mais ce qu'il ne faut pas oublier également, et c'est un point essentiel, c'est que la plupart des programmes bash appellent des fonctions qui sont elles-mêmes des dépendances externes, qui sont liées à la distribution Linux, en tout cas à l'écosystème dans lequel tourne le script. Si jamais vous appelez un cut, que vous appelez je sais pas quelle commande, en fait, n'importe quelle commande qui est appelée, la plupart du temps, ça va être une commande qui est liée à l'écosystème. Et en fait, en fonction de là où vous vous trouvez, vous aurez pas forcément le même comportement. On a très souvent le problème pour les gens qui font du macOS, parce que les commandes macOS n'ont pas exactement le même comportement. Je crois que c'est les grep qui ont pas exactement le même problématique, enfin, la même comportement. Enfin, des fonctions quand même assez de base de core utils qui sont pas exactement pareils. Et alors après, ça va être pareil si on va sur des distributions avec typiquement de l'embarqué ou des choses comme ça, où on va avoir certaines commandes qui ont vraiment un comportement extrêmement différent. Et le problème, c'est que bash masque ça, c'est-à-dire que la commande va se lancer, elle va tourner, mais en fait, le comportement attendu sera pas le bon. Et comme, encore une fois, on n'a pas de gestion d'erreur, pas de gestion d'input, eh ben, le lien entre plusieurs fonctions n'est pas checké, on peut avoir un truc qui explose assez facilement. C'est-à-dire que vraiment, la commande ne renverra pas une erreur, elle ne renverra pas un code d'erreur. Donc, même si on a mis un 7-X, qu'on a décidé de bloquer l'exécution, la commande peut très bien dire « Non, mais moi, c'est OK », mais elle n'aura pas le même comportement. Et d'ailleurs, sur ça, ça me rappelle vraiment l'époque où j'ai l'impression que mes 4 premières années de travail en tant qu'admin 6, je passais ma vie à corriger des scripts init, parce que c'était l'enfer, hein, c'était des scripts shell. Et en effet, on travaillait sur plusieurs distributions, et chaque distribution, ou des gens en interne, avaient construit leur fameux helper, vous savez, pour stocker les PID dans des fichiers, gérer les accès concurrents, ces trucs-là. C'était l'enfer. Et en effet, c'était pas la même chose entre un Red Hat et, mettons, un Ubuntu, je sais pas quoi. Toutes ces fonctions-là pour, on va dire, gérer le cycle de vie du programme et savoir, et ces PID. Et moi, j'avais accueilli systemd comme une libération, quoi. Clairement, à l'époque, je m'étais dit, mais putain, c'est juste trop bien, quoi. Je veux dire, on a pu galérer. Enfin, le nombre d'erreurs en prod avec des scripts d'init moisi, c'était un truc, mais ça arrivait, mais tout le temps. Enfin bref, c'est un autre sujet, les systèmes d'init, mais bon, voilà, c'est un peu en lien aussi. Oui, parce qu'avant, tout était en bash. Mais vas-y, continue. Je te laisse continuer maintenant sur les autres points. Sur les autres points, on parlait un peu d'outillage, mais c'est aussi quelque chose que tu avais mentionné, les linters, l'analyse statique de code, même dans les IDE, etc. Et l'outillage est aussi fourni grâce notamment au typage. Hein, dans des langages fortement typés, on peut faire de l'outillage intéressant parce qu'on a des types. Donc, même le compilateur ou des choses comme ça, enfin, le fait de pouvoir vérifier des choses statiquement, c'est super intéressant. Et là, on est vraiment, ça peut être aussi des frameworks de mocking, des frameworks de test, etc. Parce que souvent, on me dit, on peut faire des tests en bash. Oui, on peut faire des tests en bash. Mais les concepts de programmation comme les interfaces en Go ou les génériques dans d'autres langages, mais maintenant c'est dans Go aussi, ou le typage statique, on va dire, enfin le typage statique de manière générale, ou même dans les langages dynamiques, on peut vraiment créer des jeux de test avec des mocks, c'est-à-dire moquer des composants, c'est-à-dire des clients par exemple, de manière assez simple et claire. Dire vraiment cette notion de voilà de comment je vais tester mon programme, comment je vais moquer des appels externes, comment je vais en faisant différentes implémentations, une implémentation pour dire le vrai code et une implémentation pour le test, même si caché derrière une interface. Bref, toute cette logique là, c'est des choses qu'on va pas trouver, on va dire, en bash. Donc voilà, il y a l'outillage et aussi la façon de s'en servir, notamment lors des tests. Enfin, je veux dire, c'est dur de parler de ça, en fait, c'est peut-être un peu confus, parce qu'en fait il y a tellement de choses qui manquent dans Bash sur des concepts de développement, comme j'ai dit, liés au dev, que c'est un peu, voilà, je m'embrouille un peu. Quel serait l'intérêt de ces interfaces-là, justement, donc quand tu parles de mocking, bah, quel est l'intérêt J'ai récemment dû écrire un script qui interagit avec Kubernetes. Donc, c'était un truc qui devait modifier des ressources dans Kube, donc faire des appels API au final. J'ai utilisé un client, mais bon, voilà, l'idée, c'est ça, on fait des IO. Et donc, il y avait des IO avec une petite logique. Et donc, je veux pouvoir tester ce programme. Et moi, j'ai pas envie en local d'avoir à démarrer un cluster cube pour juste faire un Go test. Bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé donc le client cube standard, hein, le client dynamique de la librairie officielle Go pour Kubernetes dans mon code. Et dans mes tests, j'ai écrit un mock de ce client, parce que ce client-là en Go, il est derrière une interface. Donc c'est on peut voir une interface comme une liste de fonctions attachée à une struct, et donc j'écris une struct de mock où j'ai surchargé ces fonctions dans mon test pour pouvoir renvoyer certaines données en fonction de certaines conditions. Et donc comme ça, je peux vraiment lancer mes tests sans avoir à démarrer tout un environnement local. Je travaille vraiment en isolation. Et ça, c'est quelque chose qui est super difficile. Je sais même pas si c'est possible en bas. Je veux dire de faire des, parce qu'il n'y a pas de notion, on va dire, de programmation orientée objet, ou de, il n'y a pas de notion vraiment de typage ou d'interface ou de protocole comme ça s'appelle dans certains langages. Il manque tous ces concepts là en fait qui nous aident au quotidien à faire le design de notre programme. C'est vrai que c'est quelque chose qui est important, que j'ai pas mentionné, mais de l'architecture logicielle, ça se fait pas comme ça. Il faut des outils pour le faire. Il y a des concepts derrière, c'est pas qu'il y a pas en bash, c'est-à-dire c'est un logiciel s'appuie sur sur des pratiques et sur des outils, et donc je pourrais parler de plein de choses, programmation fonctionnelle, de gestion de l'état d'une struct, de l'immuabilité ou non, il y a plein de trucs qu'on pourrait dire qui sont pas dans bash, et c'est des choses qui aident au quotidien pour tout, notamment pour les tests. Je vais essayer de me faire un peu l'avocat du diable. On l'a pas, c'est disponible dans d'autres langages, mais est-ce qu'on en a besoin, en fait? Est-ce que vraiment ces concepts-là qui existent, qui sont très bien, est-ce que quand on fait de l'administration de système, est-ce qu'on en a besoin? C'est ce que je disais un peu au début, c'est est-ce qu'on fait de la qualité? En fait, pour moi, c'est ça le point. C'est-à-dire, pour moi, oui, on en a besoin, parce que comme je l'ai dit, nos scripts, c'est des programmes, et on veut que nos programmes soient de qualité. Tout simplement. Pour moi, c'est vraiment une affaire de qualité. Je veux que mes programmes soient, mes scripts soient modularisés. C'est-à-dire, par exemple, moi, quand j'écris un script, mettons en Go, je dois faire un appel à Kubernetes. Par exemple, je vais faire un vrai client Kubernetes dans un module qui va se charger de faire ça, que je vais pouvoir moquer, que je vais pouvoir utiliser dans différents contextes. Si je dois faire un script qui fait du Slack, pareil, je vais créer un module avec un client Slack, avec des actions un peu au niveau. Chaque module va avoir des métriques. C'est quelque chose qui est important aussi. Donc, si je fais des IO, je vais avoir du monitoring, je vais avoir des logs avec un logger que je vais pouvoir passer entre mes composants. Mon logger va me permettre de facilement savoir quel niveau de verbosité je veux dans l'ensemble de mon programme, le format de sortie, donc JSON ou du texte brut classique, etc. Bref, finalement, si on veut faire de la qualité, il faut faire du développement. Il faut utiliser des méthodes modernes de développement. En fait, c'est ça mon point. Et Bash n'est pas du tout dans ce mode-là. C'est-à-dire, il n'y a pas les outils dans le langage pour faire ça. C'est des concepts qui sont complètement manquants. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on va pas, aucun développeur dans son quotidien ne va faire du Bash. Personne ne fait du Bash pour faire des programmes, on va dire, classiques. Le Bash n'est utilisé généralement que dans l'administration système. Alors, on pourra parler plus tard de quand est-ce que moi j'utilise Bash. Mais dès qu'on a un programme un peu sérieux avec de la logique et vraiment une envie de faire de la qualité, bah là, Bash ne peut juste pas fonctionner parce qu'il n'y a pas ces concepts. On ne peut pas faire du vrai développement en Bash, tout simplement. Il n'y a pas les outils. Alors, et donc là, tu parlais donc de réutilisation de modules, etc. Ouais. Si jamais on fait justement un peu du one-shot, donc, en fait, je vais aller un peu plus loin de ce que tu disais, c'était que on a des concepts en Bash, donc on n'a pas ces notions de test, etc. Ces notions de test, on les a pour le cycle de vie de notre applicatif. C'est-à-dire que si jamais demain, on rajoute des fonctionnalités, qu'on corrige un bug, on veut être sûr qu'on n'en rajoute pas un autre. Donc en fait, cette notion de test qu'on rajoute, tu parles de qualité, la qualité, elle s'améliore parce que notre logiciel, on va pouvoir être sûr de son fonctionnement en permanence. On est sûr que quand on a fixé quelque chose, on n'a pas un problème qui est réapparu. Et c'est ça, en fait, le point essentiel quand on fait des programmes de prod. On veut être sûr que ce programme continue de fonctionner sans avoir besoin d'avoir une connaissance profonde de ce script. Parce que c'est le problème qui vient souvent ensuite. Après, c'est que les scripts bash ne se ressemblent pas les uns avec les autres. On a, en fait, énormément de méthodes différentes pour pouvoir les écrire. J'ai pas d'exemple là précis, mais la manière de pouvoir traiter des lignes de commande et de pouvoir faire des seds, enfin de pouvoir changer des strings, c'est entre connaître la syntaxe du hook, connaître la syntaxe du sed, utiliser des fonctions natives de bash. Déjà, on a des façons différentes de le faire. C'est pas vraiment que dans les autres langages on n'a pas ça, c'est que au moins on peut s'assurer que la sortie sera toujours la même. On peut s'assurer que si jamais demain quelqu'un refactorise une fonction, on va avoir toujours le même résultat. Alors oui, il existe du BATS, il utilise des choses pour pouvoir le faire. J'allais dire. Voilà, il existe des choses pour pouvoir le faire dans du Bash. Mais en fait, c'est la notion d'écosystème dont tu parlais. C'est qu'en fait, quand on regarde Bash, en fait, l'écosystème est très très faible. Alors si jamais on fait du linter, il n'y en a qu'un seul, c'est Shellcheck. Si tu veux faire du test, c'est BATS. Et puis, c'est à peu près tout, quoi. Là où, dans tous les autres langages, on a eu une évolution rapide des usages. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup utilisé. Donc, on a eu plein de frameworks de tests qui sont apparus, qui se sont remplacés, qui ont été refaits. Là où, dans Bash, bah, c'est très pauvre, en fait, là-dedans. D'où le fait qu'on va avoir, après, ce niveau de qualité faible. C'est pas qu'on peut pas avoir un niveau de qualité élevé avec Bash, c'est juste que ça va être beaucoup plus compliqué. Et donc, toi, dans ton cas, c'est à quel moment que tu vas utiliser du Bash ? Parce que là, on a dit donc qu'on avait de la réutilisation. Est-ce que si tu fais des scripts, des one-shot, c'est ça. Est-ce que tu vas utiliser du bash ? C'est ça, one-shot, et généralement, c'est pour récupérer de l'information. C'est-à-dire, c'est pas pour faire des actions, c'est pour récupérer de la donnée. Si j'ai besoin, ça m'arrive par exemple de devoir récupérer des ressources dans Cube très rapidement pour check un truc, bah là, je vais même pas faire du bash, je vais faire un one-liner ou peut-être quelques lignes avec un kubectl, moins au JSON, pipe JQ, enfin, je sais pas, des trucs comme ça. Voilà, donc pour récupérer de la donnée et très rapidement, voilà, avec un petit coup de sed, de hook, etc., on va dire sortir quelque chose, ça marche assez bien, mais c'est du one shot. C'est pas des choses que je vais utiliser tous les jours. C'est-à-dire que si je dois l'utiliser tous les jours, je pense que je vais le mettre dans un script, dans un autre langage. Et aussi, c'est des choses que je ne peux pas partager. Du moment que je veux partager quelque chose, je vais pas le faire en bash. Tu parlais d'écosystème, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Dans une entreprise, mais même au niveau de l'open source, comme je l'ai dit au début, la majorité des langages ont des systèmes de gestion de dépendance. Et donc moi, finalement, toutes les choses comme ça, etc., bah, j'essaie de les partager. Si j'écris un client pour faire du Slack, je vais me dire, tiens, il y a peut-être quelqu'un qui aura le même besoin un jour dans l'entreprise. Donc je vais faire une lib au final. Et je vais partager cette chose-là au sein de l'entreprise, ou le mettre en open source, etc. Et on construit comme ça un écosystème. De la même manière, j'ai connu, on l'a tous connu, je pense, des entreprises où les scripts shell, chacun a sa petite collection de scripts shell en local, non partagés. Parce qu'il y a eu un besoin un jour et ça n'a pas été mis en commun. Et pas de bol, 3 mois après, il y a un autre collègue qui avait ce besoin-là. Et malheureusement, le script. Ah oui, je me rappelle que Mathieu, il avait fait ce truc avec un script shell il y a 3 mois. Là, il est en vacances. Voilà, tant pis. Donc, il y a aussi cette notion d'écosystème d'entreprise qui est importante pour moi. Et ça passe par des modules, des libs, on appelle ça comme on veut, pour avoir des composants au niveau que je peux ensuite consommer en tant que personne qui va devoir développer des scripts. Et ces modules peuvent être vraiment de qualité. C'est ça permet ça aussi. On peut se dire, chaque module va avoir des logs, des métriques. des métriques correctes. Parce que souvent on me dit oui, mais moi je peux faire du time avec Bash ou je sais pas quoi. Non, mais moi je parle de métriques avec des labels, avec des histogrammes, des counters, etc., etc. Donc un vrai système de métriques. Donc vraiment partager ça. Et même au niveau des CLI, moi c'est quelque chose qui sur lequel j'ai vraiment eu des très bons retours dans mon expérience professionnelle, c'est de créer des CLI mis en commun, on va dire, et quand en gros au lieu d'avoir 30 scripts dans 20 repos, avoir des CLI ou une CLI, on va dire, que tout le monde a écrite par exemple en Go, avec des sous-commandes, des tout ce qu'il faut au niveau de gestion des flags, comme tu disais, validation des inputs, etc., etc., pour faire les actions sur la production, c'est-à-dire avec un truc testé, comme je disais, qui utilise des modules qui sont bien identifiés, correctement monitorés, avec des logs, et comme ça, n'importe qui peut également contribuer, qu'on soit dev, qu'on soit ops, etc. Bah, si on fait du Go, par exemple, n'importe quel dev peut aller rajouter sa commande dans une CLI ou publier une lib parce qu'il a eu un nouveau besoin. Donc maintenant il y a besoin d'interagir avec telle API, bah boum, je peux publier une lib et tout le monde peut en bénéficier. Donc il y a vraiment ça qui m'importe aussi, c'est le partage et pas juste des scripts qui sont mis dans un coin sans cohérence, sans écosystème. Tu parles pas mal de Go, et on parle pas mal, ouais, de Go. Quel est le lien que tu fais entre les deux? Est-ce que c'est juste un langage parmi plein d'autres qui est utilisé par les hypes barbus à lunettes dans un coin, ou est-ce que vraiment il y a un sens, ou est-ce que ça aurait pu être du Java, du Node.js, quoi que ce soit? Alors les différences entre chaque langage, a des différences. Moi j'aime bien Go pour faire des scripts, parce que déjà c'est assez simple à prendre en main. Ça fournit, l'écosystème est énorme en fait, donc ça c'est intéressant. Il y a vraiment un énorme écosystème, on peut vraiment tout faire, et beaucoup d'outils, on va dire, sont écrits en Go dans notre métier, on va dire, que ce soit Kubernetes, tous les outils HashiCorp, enfin voilà, il y a des tonnes d'outils qui sont écrits en Go, donc c'est intéressant de le maîtriser. C'est pas le langage parfait, hein, bien sûr, on peut dire des choses sur son type système ou des choses comme ça, mais c'est un langage où on est productif, où les gens peuvent facilement monter en compétences dessus et contribuer. Ça se déploie très bien, ça fait un binaire statique. Donc c'est très facile à distribuer sur des serveurs ou n'importe où. Voilà, donc c'est pour ça que généralement j'utilise Go pour faire des scripts. Après, d'autres personnes pourraient utiliser d'autres langages, c'est pas ce qui me dérangerait le plus tant qu'il y a vraiment de la qualité. Après, j'ai pas envie de partir dans le débat quel est le meilleur langage. Moi, j'utilise toujours le langage qu'il faut pour mon besoin. C'est-à-dire que pour d'autres cas, je vais pas utiliser Go. Mais pour du scripting, je trouve que ça marche bien. Globalement, Go, c'est ce que j'utilise moi aujourd'hui, en effet. Ok. Non, mais oui. Enfin, je suis assez d'accord avec toi, et c'est ce qui est bien avec Go à l'heure actuelle, c'est que. Déjà, les logiques sous-jacentes de la stdlib sont très très proches du système. C'est très simple de retrouver la fonction dont on a besoin, le syscall dont on a besoin, etc. Quand on fait vraiment du pur système. Et on a un langage qui nous permet d'avoir quelque chose qui peut tourner en route. Moi, c'est ça souvent que je dis, c'est que mon langage, le logiciel que j'ai fait avec du npm, que j'ai mis dans du Node.js, j'ai beaucoup de mal à le faire tourner en route. Je vais avoir beaucoup de mal à lui donner les droits pour pouvoir le faire, parce que l'abstraction est très élevée, parce qu'en fait, on a des promesses, on a des choses comme ça qui vont pas forcément être validées. Dans le cas de Go, on a vraiment un langage qui n'est pas objet, ou en tout cas pas complètement objet, en tout cas. On a des structures, comme tu l'as dit un peu avant. C'est pour ça que ça le rend assez simple. On va pas avoir des trucs ultra compliqués comme on fait en Java avec de l'héritage multiple et YOLO les classes étendues. Là, on a quelque chose en fait qui est assez simple. Et quand on fait des scripts, et c'est marrant d'ailleurs, tu utilises le mot script pour du Go, alors que je suis sûr que la plupart des administrateurs qui ont l'habitude de faire du Bash vont dire un programme, vont dire un langage de programmation, oui, des choses comme ça. Mais c'est vrai que pour faire un script, la plupart du temps, je me retrouve à faire ça, c'est que j'appelle une fonction de Go, je regarde sa sortie, c'est-à-dire que je regarde le code d'erreur qui me renvoie, je regarde si le code d'erreur est bon, pas bon. S'il est bon, je continue avec la structure, je l'envoie dans une autre fonction. Et en fait, je sais que les trois quarts de mon programme, ça va être des tests d'erreur. C'est un if, un return, un end. Un end du if. Et après, une autre fonction que je vais appeler. Et en fait, quand on fait des scripts en Go, on a vraiment ça qui vient en permanence. Et c'est du bash plus plus. Enfin, moi, vraiment, c'est comme ça que je vois la plupart du temps. C'est du bash plus plus avec du contrôle des entrées. Donc, si jamais demain, je mets à jour une librairie, que la structure change eh ben, j'ai une erreur de compilation, c'est-à-dire que je le sais instantanément, qu'il y a une changement de dépendance. Et je vais avoir un contrôle fin des erreurs avec une reprise, avec un arrêt. Et en fait, je vais décider du comportement que je veux faire. Et je peux faire des boucles de manière simple, quoi. Parce qu'une boucle en bash, une fonction de base de n'importe quel outil de programmation. Un outil de programmation, c'est un truc normalement qui fait des boucles, hein. C'est genre la moitié d'un processeur sert à faire des boucles. Et des boucles avec un test. Et ben, c'est quelque chose de compliqué en bash. C'est ça. Et c'est vrai que moi, c'est vrai que j'ai dit script, mais j'aurais pu dire programme, parce que comme je disais, je fais plus la distinction entre les deux. Parce que sinon, il y a vraiment, les gens pensent script, truc à l'arrache, programme, truc de qualité. Alors que non, les deux doivent être de qualité pour moi. Et moi, j'ai tendance toujours à découper même mes scripts, finalement, en modules. Déjà parce que j'essaie de, comme je disais, de réutiliser des modules existants. Et surtout parce que, un truc qui est important aussi, c'est que les gens se rendent parfois pas compte que même un script simple, en fait, peut être compliqué. J'aime bien prendre l'exemple du script de backup. Un script de backup, c'est pas juste, ouais, je prends une donnée et je la mets ailleurs. Comment je monitore mon script? Comment je monitore son temps d'exécution? Si je dois faire plusieurs IO, ce qui arrive souvent, chaque IO, je veux qu'elle soit monitorée. Par exemple, je veux savoir combien de temps ça me met pour faire le backup, combien de temps ça me met pour l'envoyer, mettons, sur S3. Je veux des labels sur ces métriques, je veux des logs. Et je veux aussi, peut-être, d'avoir de l'alerting. Donc balancer un event, un événement dans un système de monitoring externe. Donc là, je peux utiliser souvent des SDK. Si j'utilise Sentry pour la gestion des erreurs, qui est un outil que j'aime bien, là pareil, je veux envoyer mon erreur à Sentry, etc., etc. Donc c'est des choses qu'on voit très très souvent dans le dev. C'est-à-dire un dev va avoir des métriques, va avoir des tests, va avoir des intégrations Sentry, va avoir tout ça, c'est des abstractions. Mais voilà, dans l'op, c'est des choses qui sont très rares, et ça, je comprends. Comme je disais au début, je comprends pas pourquoi. Pourquoi on s'impose pas la qualité que les devs s'imposent, en fait, c'est tout simplement ça. Pourquoi nous, en tant qu'ops, on serait là à se dire, ah bah non, nous, ça ne nous concerne pas, en fait, de faire tout ça, de faire de l'ingénierie logicielle, en fait. C'est vraiment ça mon point, c'est pourquoi on ferait pas ça. Là, c'est ça que je comprends pas. Et les critiques que tu as souvent, puisque là, on l'a un peu parlé au début, donc ton article est souvent repris, quelles sont les principales critiques que tu entends? Parce que ça, donc, tu l'as expliqué déjà dans tes articles. Quels sont les arguments, en fait, qu'on va t'opposer face à ça? Déjà, beaucoup d'incompréhension, parce qu'on me dit, mais si, je peux faire des tests en bash, je peux faire de la gestion d'erreurs en bash, je peux faire des métriques en bash. Mais comme j'ai dit, il y a un manque de concept, déjà. Il y a un manque de concept de c'est quoi faire du développement en 2022. Donc, à partir de là, c'est dur d'expliquer. Enfin, veut dire, faut revenir à la base, faut expliquer, c'est quoi un type, c'est quoi un mock, c'est quoi, une métrique avec des labels, enfin bref, c'est des choses. C'est quoi l'intérêt d'un logger global dans une application, etc., etc. Et ça, faire ce travail-là, ça me prend beaucoup de temps et beaucoup de gens, en fait, refusent de le faire, enfin, de monter en compétence sur ces sujets et en fait préfèrent rester dans leurs opinions toutes tranchées sur je peux le faire en bash, sans comprendre finalement toute la portée de ces outils et concepts qu'on retrouve dans d'autres langages. Donc ça, c'est mon premier gros problème. L'autre problème que je vois généralement, j'en ai parlé au début, c'est en gros, c'est les ingénieurs d'aujourd'hui, enfin les admissistes d'aujourd'hui ne savent plus rien faire, ils ont trop d'abstractions, ils savent que faire du YAML, c'est des devs, voilà, c'est un truc qu'on me dit souvent, t'es pas un admissiste, t'es un dev, voilà, c'est censé être une insulte, je pense, je sais pas. Moi, je suis content de savoir développer, en effet, parce que c'est le quotidien, c'est une partie du travail d'un admissiste aujourd'hui. Donc ça, c'est une critique vraiment très classique, les gens se pensent vraiment... comme j'ai dit, très très intelligent de faire du bash, en fait. C'est comme si ces personnes se disaient, moi je fais des choses très très compliquées et je suis content de le faire, en fait. C'est un peu, enfin, je comprends pas trop le truc. C'est parce que c'est assez bas niveau, etc. Donc c'est censé être, ça donne du crédit social. Je sais pas c'est quoi le truc, mais il y a un peu cet attachement à l'outil. On a toujours fait comme ça. C'est des trucs que les devs ne font pas. Et donc moi je suis pas un dev, donc je fais ça. Donc ça, c'est un truc que je vois très très souvent. Ouais. Tout simplement. Sur le Discord, parce que oui, on a un Discord que vous pouvez rejoindre à n'importe quel moment. Et là, on est en direct, donc il y a des gens qui arrivent à faire des commentaires. On nous dit aussi qu'un des arguments qui est donné parfois, c'est le fait qu'il y a peu de dépendance en bash. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on a dit comme tout à l'heure étant une non-gestion de dépendance, pour certains, vont être pris comme une... comme un argument, en fait. Un argument qui est, non, mais j'ai besoin de rien installer, bash est sur toutes les machines, c'est simple, j'ai pas besoin d'un truc compliqué, vraiment, même mettre un binaire, c'est compliqué. Là, je mets mon fichier, j'exécute, ça tourne. Ça, je comprends pas non plus. On dit ça. Bah, veux dire, si notre but c'est quand même d'automatiser des infras, etc., etc., et de fournir un service à des utilisateurs, si on sait déjà pas déployer un binaire sur des serveurs et gérer son cycle de vie, comment on est censé gérer le cycle de vie de 10, 100, 1000 applications qui sont poussées plusieurs fois par jour par les devs? Clairement. D'ailleurs, là, il faut repartir déjà de la base et se dire pourquoi on ne sait pas faire ça. Et si on ne sait pas faire ça, on ne saura pas faire le reste de notre métier. Parce que c'est un prérequis, en fait, savoir déployer des apps et gérer leur cycle de vie. Déjà. Alors, ouais, mais là, par exemple, aussi, un exemple qu'on a, c'est. Et c'est vrai que je suis intervenu en SS2I pendant un moment, et en fait, on avait des scripts shell, qui est vraiment des scripts shell magiques. On les amenait chez le client, ça marchait. Sur de l'OpenSUSE, ça marchait sur du RHEL, ça marchait sur du Debian, etc. On arrivait vraiment avec le script shell magique, et puis on le faisait tourner, et puis hop, ça marchait, quoi, en fait. Toi, au l'heure actuelle, tu ferais ça comment, en fait? T'aurais eu quoi comme... Alors, moi, j'ai connu ça aussi, parce que comme j'ai dit, en début de carrière, on avait plusieurs distribs, on faisait encore de l'AX, d'où KSH. C'était super pénible. Alors déjà, plusieurs choses. C'est déjà, je pense que dans une entreprise, c'est bien aussi d'avoir un peu de la standardisation sur comment, sur au moins notre sur une distribution. Après, on peut avoir plusieurs distributions, mais aujourd'hui, un langage comme Go, même d'autres langages en fait, fournissent une abstraction au-dessus de tout ça. Go compile très bien pour du BSD ou des choses comme ça. Alors bien sûr, il peut y avoir des différences. Si on essaye de faire de l'EBPF sur Go, sur FreeBSD, oui, ça va marcher moins bien que sur Linux, c'est sûr. Ou pareil pour les conteneurs. Donc il y a des choses qui sont pas pareilles parce que le kernel en dessous n'est pas le même, mais tout l'intérêt des langages de programmation, c'est quand même de gérer ces choses-là de manière transparente. Du Java, on peut le faire tourner partout, du Go, on peut le faire tourner partout, du Python, j'ai pas une énorme expérience en Python, mais j'ai jamais trop entendu de problème comme ça, ou même sur du Windows ou des choses comme ça, enfin c'est on peut généralement lancer faire du Python. Donc après, ouais, c'est un argument que je comprends pas tant que ça, et surtout je dirais une autre chose également, c'est que si finalement, parce que j'ai connu aussi ces collections de scripts géants qui étaient lancés comme ça, etc., c'est pas l'abstraction que je veux pour déployer mes applications. Aujourd'hui, moi ce que je veux, c'est travailler avec des API, travailler avec voilà des endroits faire d'infrastructures déclaratives ou des choses comme ça. J'ai pas envie d'avoir à déployer des applications avec des contraintes spécifiques, ou c'est à moi de gérer finalement les contraintes spécifiques de chaque distrib. Je veux une API et derrière c'est un programme qui va me gérer ses spécificités. Et c'est aussi un truc important. Des choses comme après ça va être que sur Linux aussi, on va me dire, mais clairement c'est un des intérêts par exemple pour moi de Kubernetes, c'est que ça tourne un peu partout, et donc forcément on a un peu moins d'adhérence, on va dire, à comment ça tourne. Et c'est moi, je tendrais plus sur ça que sur essayer de faire des script bash qui tournent partout. Je préfère avoir créer une API qui tournera sur chaque distrib, et derrière ça m'appellera au pire des programmes spécifiques, mais qui peuvent aussi être écrits en Python, en Go ou en je sais pas quoi. Je vois pas la bonne raison de faire du bash pour ça en final. Parce que finalement, même dans bash, faire tourner un conteneur sur BSD, c'est pas possible. C'est pas parce qu'on fait du bash que d'un coup, ça y est, on a des C groups, des namespaces ou je sais pas quoi dans BSD, ou du BPF, XDP ou des choses comme ça. Donc finalement, c'est quand même plus le kernel qui va jouer. Et au niveau de la distribution ensuite, là, je pense que je vais plutôt au contraire essayer de m'abstraire via d'autres outils pour pas avoir cette dépendance à une distribution. Mais je pense justement, en fait, ça c'est quelque chose, quand je reviens un peu sur mon expérience de pourquoi on avait ces scripts shell là, l'avantage qu'on avait et pourquoi on les avait en shell, c'est que quand tu partais avec ta bite et ton couteau pour aller installer un software, que tu partais avec ta collection de scripts sur clé USB, en fait, si jamais tu avais un problème, et ben en fait tu pouvais le fixer en temps réel. Alors que potentiellement, si jamais demain j'envoyais un consultant avec son script, son petit Go, avec juste le binaire, et que le binaire il me dit non, c'est non. Oui. C'est peut-être ça aussi la peur qu'il y a derrière, qui est mais comment je vais faire si jamais ça marche pas? Qu'est-ce que je vais faire si jamais mon binaire ne fait pas ce que j'aimerais qu'il puisse faire? Alors moi, je pense que c'est aussi une question de responsabilité. De qui finalement, on parle d'ownership finalement là, finalement sur qui gère ce binaire là, Et c'est vrai que moi, je vois beaucoup de gens qui utilisent Bash en effet pour ça, en mission. D'ailleurs, une personne qui me critiquait présentait un projet où il faisait du Bash de cette manière-là. C'est pas vraiment. Et moi, ma façon de travailler, c'est pas je me pointe dans un bureau, je balance un script Bash, je me barre. Et après, la phrase dégrade pendant 3 ans jusqu'à ce que je revienne en mode sauveur. Enfin bref, pour moi, il y a vraiment aussi une question de, sur le long terme, comment on travaille. Et ça, c'est un truc qui est aussi important parce que si. Dire si j'arrive avec mon script que je lance et que ça marche pas, et ben comment je fais pour que ça marche? Ben, déjà, je dois investiguer pourquoi ça marche pas, je vais le corriger. Et moi, ce que je veux, c'est pouvoir lancer mon script tous les jours pour que ça marche. Je veux pas avoir envie de le faire tous les 2 ans ou des choses comme ça. Bref, je veux pouvoir le faire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le faire évoluer également parce que les infra évoluent, les besoins évoluent. Je veux que les gens puissent contribuer dessus. Et c'est ça pour moi l'important. Et en effet, on sort un peu du mode. J'arrive, je mets mon script, je pars. Ou alors moi, je suis pas consultant aujourd'hui, mais je préfère arriver, dire bah allez, on va construire quelque chose ensemble que vous allez maîtriser, et ensuite je pars et je reviens plus jamais. Donc pour moi, c'est il faut vraiment voir aussi l'impact de faire ce genre de choses, c'est-à-dire balancer du script Bash et partir sur le long terme sur un site d'entreprise où finalement plus personne à la maîtrise parce que le truc est géré à coup de script. Lancer de temps en temps et on sait plus trop ce qui se passe entre, on sait pas si on a du drift, on sait pas comment ça marche au final, et plus partir sur une approche long terme de gestion d'infrastructure. Et je pense qu'aussi il y a une autre solution en fait à ça qu'on a vite compris, c'est que souvent ces scripts shell qu'on utilisait, donc on l'appelait install.sh, on le lançait et on priait. Souvent, ça marchait pas parce que, bah, on passait d'une Debian 8, enfin, une Debian 6 à une Debian 7, on passait d'une RHEL, je sais pas combien, à une autre version. Et donc, on avait en effet des gestions de dépendance qui étaient pas là. Typiquement, une lib quelconque qui était pas installée, qui était pas le même nom de paquet, qui avait évolué, qui était plus à la bonne version, qui faisait que ça marchait pas, etc. Donc, en fait, souvent, même quand le script shell marche pas, en fait, c'est que derrière, il y avait un autre problème, un peu plus important, qui était même pas détecté forcément. C'est-à-dire, le script shell, il finissait, il disait, OK. Bon, en fait, il y avait la moitié des trucs qui marchaient pas, qui n'étaient pas bien installés et tout. En fait, maintenant, on a une solution pour gérer ça. Bah, c'est les conteneurs. C'est-à-dire qu'en fait, on a un conteneur, on prend son application, on la met dans une jolie image de conteneur. On dit ça, c'est ma version labellisée qui marche, quelle que soit la distribution, quel que soit le kernel, ou la version du kernel, en tout cas, la plupart du temps. Et à la limite, on a un script install.sh. La seule chose qu'il fait, c'est docker run-d... moins restart always et puis rouler jeunesse quoi en fait. Et donc en fait, ouais. C'est peut-être pour ça qu'on a encore moins besoin de Bash qu'avant parce qu'on a standardisé les écosystèmes. On a standardisé un écosystème dans lequel ça marche et dans lequel donc notre programme de lancement, notre init, notre whatever dessus, ça peut même mettre un petit script shell hein, c'est pas forcément si jamais c'est juste lancer une commande, on a un entry point.sh, c'est tout à fait logique d'en avoir un. Mais il est standardisé dans un écosystème précis. Il est testé et en fait, on teste, tu parlais de mock et de choses comme ça, en fait, on va tester le conteneur avec son script shell, en fait, comme s'il faisait partie du logiciel. Et donc, d'un seul coup, on a une autre approche par rapport à ça. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas à cette époque-là. C'est pour ça que shell paraissait logique, parce que voilà, logique, bit et couteau, le mythe du sauveur, le gars qui sauve la prod, qui sauve le script, qui arrive à se démerder, qu'importe les problèmes. Et c'est vrai que sans doute, notre métier s'est construit avec ça. Il s'est construit avec ses visions de cette personne qui connaît absolument toutes les options possibles d'un hook et arrive à faire un one-liner super bien. Sauf qu'en fait, c'est pas forcément ce dont on a besoin aujourd'hui. On parle souvent des Brian Jerk. Bah là, c'est un peu ça, en fait. Le problème, c'est cette façon d'être trop brillant qui fait que ça masque les problèmes. Et en fait, même ça a empêché d'évoluer vers des solutions meilleures. Et en fait, maintenant, on a juste une dette. Alors, je sais que certains détestent qu'on parle de dette technique, etc. Mais là, pour le coup, c'est clairement le cas. On a une dette. Une dette qu'il faut se mettre à payer parce qu'on a embauché des gens trop brillants à un moment. Et ça, c'est paradoxal, en fait, dans un moment où les gens s'affairent, quoi. En fait, ils sont toujours les sauveurs avec leur script shell. Là où aujourd'hui, ah bah, n'importe quelle demeurée peut lancer une installation parce que c'est juste un appel à une API. Bah oui, et c'est ça le métier et c'est ouais, plutôt mais, cool. Mais c'est ça. Bah, non, mais c'est le temps de cerveau disponible à autre chose. Bah, c'est ça. Je veux dire, c'est du consommable, enfin, presque. Enfin, je veux dire, moi, mon job, c'est ça, c'est. Je veux que les gens soient autonomes et qu'ils aient pas à gérer ces trucs-là clairement. Et ça, c'est vrai que. Mais toi, tu parlais des conteneurs. Mais tu te rends pas des copains en disant ça, parce que généralement les gens à fond dans le bash, etc., et qui me critiquent, c'est des gens qui vont être aussi anti-conteneur, anti-infrascon, anti, en gros c'est anti tout ce qui est sorti après 2005. Anti-système D. Non mais c'est voilà, c'est un peu, mais c'est le cliché quoi, c'est le cliché. Mais au final, enfin moi je vais être honnête, enfin ces gens-là je les vois plus quoi. Faut dire dans mon monde. Ils sont peut-être ici, si, ils sont peut-être encore dans les grands groupes ou quand où j'étais avant, mais c'est tout. C'est vraiment. Oui, c'est-à-dire, c'est ok, on troll sur Twitter, mais sinon après dans la vraie vie, qui travaille encore comme ça? Oui, c'est vrai que ça va être très très rare. Et c'est le but aussi là, en fait. Pourquoi ce podcast-là? C'est que je vois encore des jeunes sortis d'école qui vont me sortir ces réflexes-là. Qui ont encore le réflexe de se dire non mais voilà, un script shell, je modifie 3-4 trucs, hop, c'est bon, ça marche. L'argument, ça marche. Works on my machine, quoi. Et c'est vraiment un problème. Et je me dis justement, voilà, on peut dire non mais il y a moyen de faire mieux, il y a moyen de faire plus de qualité. Et clairement, vous ne perdrez pas votre job parce que vous avez fait un script en Go qui marche. Vous ne perdrez pas votre job. Comme tu dis, c'est une question de mythe. Quand j'ai commencé ma carrière, c'était ça aussi. Je veux dire, le sysadmin qui gère la prod, attention, avec un P majuscule, hein, voilà, qui connaît toutes ces collections de scripts, qui peut balancer à droite à gauche, qui est un peu, voilà, toujours un peu grognon, un peu, qui tire un peu la gueule. Ouais, les développeurs, machin, qui veut le contrôle. C'est ça aussi. Je veux contrôler, en fait. Je veux pas laisser la main aux autres. Je veux contrôler ma prod. C'est ma prod. C'est ça, souvent, des choses que j'entendais. Tout était construit avec le métier s'est construit avec ce mythe-là. Et aujourd'hui, bah, ouais, c'est un problème. Et moi, pour moi, d'ailleurs, là, c'est un autre sujet aussi. Moi, je l'ai vu, le Shadow IT avec les devs qui disaient, on en a ras-le-bol, en fait. Des sysadmins comme ça qui gèrent tout, on peut rien faire, on a la main sur rien, on n'a pas le droit d'utiliser l'init de la machine ou système D parce qu'il faut utiliser le truc interne en KSH, des trucs de dingue, hein, moi que je voyais. Et ben, qu'est-ce qu'on a fait? Tout le monde a fait du shadow IT et tout le monde s'est fait, ces sysadmins là se sont fait bypass. C'est les mêmes qui vont pleurer aujourd'hui en disant, et pourquoi tout le monde est parti sur le cloud? Bah, c'est sûr. Tout le monde pleurait en permanence, mais tu voulais rien faire pour fournir le service à tes utilisateurs. Bah oui, bah tout le monde s'est barré. Tout le monde est chez Amazon et tout le monde est sur des abstractions parce que tu l'as pas proposé. Tout simplement. Parce qu'il y avait ce mythe en interne de les sysadmins qui bloquaient tout. Et ça, moi, c'est des choses que je veux plus revoir, clairement. C'est vrai que là, on digresse un peu. Oui, clairement. C'était la fin, mais c'est que vraiment, Bash arrive en fait dans un contexte, dans un écosystème et il faut pas négliger cette notion d'écosystème. Les gens qui font du shell font en effet sont dans un mythe et dans des logiques différentes qui sont des logiques de contrôle de gestion de bout en bout et donc de la volonté d'avoir des problèmes simples, d'utiliser des outils simples pour ne pas avoir besoin de les gérer de manière trop compliquée quoi, en fait. C'est un peu ça la chose qui vient avec et moi ce que je veux dire un peu en conclusion en tout cas moi de mon côté c'est n'ayez pas peur, enfin testez, essayez, n'ayez pas peur de faire de la qualité, n'ayez pas peur de faire des choses bien, laissez-vous du temps pour aller à la plage quoi, enfin vraiment ne soyez pas en permanence à devoir gérer de la prod à 2h du mat. Si jamais vous gérez de la prod à 2h du mat, si jamais vous avez peur de déployer le vendredi, c'est qu'il y a un problème. Ce n'est pas normal. Il ne faut pas rester dans ce contexte-là. J'ai l'impression de parler comme des gens qui ont été battus toute leur vie et qui restent dans ce contexte-là. Ce n'est pas vous la victime, quoi. Enfin, genre, vraiment, sortez-en. Enfin, ce n'est pas vous le problème. C'est vous la victime. Sortez-en. Ça va bien se passer. C'est ma conclusion personnelle par rapport à ça. Moi, ma conclusion sur ce débat, pour revenir vraiment sur Bash, c'est si vous avez réussi à apprendre Bash, vous n'aurez aucun problème à apprendre d'autres langages. C'est pas du tout impossible, je veux dire, ce sera même peut-être plus simple, vous aurez des outils, un compilateur, etc. pour vous aider. Mais apprenez les concepts du dev. Apprenez c'est quoi la programmation fonctionnelle, comment on fait de l'architecture logicielle, comment on fait de la gestion d'erreurs, comment je mets des métriques pertinentes, des logs pertinents, comment j'organise mon code, comment je publie des dépendances pour qu'elles soient ensuite réutilisées de manière assez générique, comment je construis cet écosystème, etc., etc. Parce que aujourd'hui, le job de l'admin 6, c'est ça aussi, c'est du dev. Et donc, finalement, il faut raisonner comme des devs. Il faut travailler comme des devs quand on est sur ces sujets. Et pour moi, ça, c'est vraiment le point le plus important. Et c'est des choses qui s'apprennent et qui sont pas du tout impossibles. Moi, j'ai aucun problème, vraiment aucun problème avec des gens, de travailler avec des gens qui maîtrisent pas forcément Go, etc. Les gens montent en compétences dessus, il y a aucun souci et c'est pas perdu. Même voilà, souvent les gens vont dire, bah comme tu disais, ils vont se dire, bah moi je connais Bash et je vais perdre cette, enfin je vais en gros, j'ai passé 10 ans à faire du Bash et maintenant je dois plus en faire. Bah c'est pas perdu. C'est toujours utile de connaître des choses, de connaître Bash, et de connaître Oak ou Grep ou Sed, etc. C'est pas, vous l'utiliserez peut-être encore, mais bah vous arrêtez pas, enfin. Aller essayer d'aller aussi plus loin et pas juste rester sur les acquis. Moi, peut-être que dans 5 ans, je dirais, bah, moi, je fais plus du gauche, je fais autre chose. Et bah, tant pis, parce qu'il y aurait eu quelque chose de mieux pour mon besoin. Je n'essaie pas de m'enfermer dans des technos. Parce qu'au final, ce qui est important, c'est les concepts. Et voilà, j'insiste là-dessus. Ce qui est important, c'est, sur les, c'est les concepts. Et donc, apprenez les concepts de l'ingénierie logicielle, tout simplement. Alors, moi, je vais être même encore un peu plus timoré que toi par rapport à ça. C'est, je ne vais pas dire apprendre, c'est vous apprendrez. C'est-à-dire oui, qu'en fait, essayez, faites un petit script quand vous avez un besoin. La prochaine fois que vous avez un bash qui a planté, essayez de le réécrire en Go. Un exemple que je donne, bah, le script shell dont j'ai parlé au tout début, pour faire le lien avec le tout début du podcast, ce script shell qui s'appelait wrapme.sh, j'en ai parlé assez régulièrement, mais en fait, je l'ai réécrit en Go en une demi-journée. Ce script qui avait quasiment un an et demi, deux ans d'histoire, je l'ai réécrit en une demi-journée et surtout je lui ai rajouté 60% de couverture de test, alors que vraiment je suis une merde en développement. Ne croyez pas qu'il n'y a que les gens qui sont doués qui peuvent en faire. Si j'ai réussi à faire du développement, si j'ai réussi à faire des tests unitaires, vous serez capable de le faire. Vraiment, j'insiste dessus, ce n'est pas quelque chose qui est réservé aux autres. Juste, bah, au début, vous allez un peu en chier des bulles, mais en fait, vous allez quasiment en chier moins que tout ce que vous avez appris pour faire du bash. C'est-à-dire que les concepts, vous allez les retrouver vite. Vous allez voir qu'il y a des choses que vous avez mis du temps à apprendre en bash, que vous en avez galéré, que vous allez faire beaucoup plus rapidement, cette fois-ci, en apprenant ce langage-là. Et d'ailleurs, ce sera encore plus rapide à votre prochain langage, ensuite. Chaque saut devient un peu moins dur, en fait, quand on l'a fait. Et vraiment, essayez de le faire. Vous avez un petit script shell, essayez de le recoder en Go, juste pour voir comment vous pourriez faire en utilisant le plus de fonctions natives pour avoir le moins de... Oui, parce que si jamais vous faites du Go et que vous appelez du shell en permanence avec des execs, vous avez raté. Mais essayez de le faire, voyez comment ça se passe, voyez ce que ça va pouvoir vous apporter. Un point aussi dont on n'a pas parlé, c'est la vitesse d'exécution. Encore dans une autre boîte, j'avais un script shell qui tournait à chaque fois qu'un client se connectait. Il y avait un petit script shell qui tournait pour générer un environnement de SFTP, voilà. Et en fait, c'était lent. Et mon CTO, c'était lui qui avait codé ça en bash. Pourtant, il n'était pas du tout un admin 6. Et ça mettait 18 secondes. Et ce qu'il me disait, c'était, bah non, mais c'est pas possible d'améliorer ça. C'est que des appels système. C'est comme ça et ça sera jamais autrement. J'ai recodé ce script-là en bash. J'ai recodé en Go. On est passé de 18 secondes d'exécution, c'est-à-dire le client était hung pendant 18 secondes, et ben on est passé à 0,5 secondes, ce qui est très lent hein, pour un programme en Go. Mais en fait, parce que derrière, on avait là vraiment les appels système, il n'y avait pas toute la notion d'interaction entre les commandes, de temps de traitement, etc., etc. On avait vraiment quelque chose qui était rapide. Et voilà, ça c'est un exemple concret que je donne. Donc essayez, quand vous avez la prochaine fois que vous avez un problème avec un script bash, essayez de le recoder en Go. Nous c'est moi c'est vraiment la chose que je vais vous dire de faire. Essayez pas un langage un peu exotique pour le faire. Essayez pas en Rust, voilà. Clairement, faites un langage simple. Ça pourrait être même du Python à la limite, mais essayez en Go quand même. Et vous allez voir que vous allez avoir des concepts qui vont apparaître et qui vont vous aider au fur et à mesure. Moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Je pense que ça s'est passé comme ça pour la plupart des gens. Ouais. En ingénierie logicielle, en design logiciel, je suis très mauvais. Mais voilà, j'apprends. Et en entreprise, demandez aux devs tout simplement. Si vous avez personne dans votre équipe côté Ops, qui maîtrise, on va dire, tous ces concepts de programmation de Go, Go ou autre, hein, voilà. Et ben, demandez à vos devs de vous aider en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça pour moi le vrai DevOps, quoi. Je veux dire, comme je disais, on repart d'écosystème. Mais moi, je trouve ça génial quand des devs vont faire des merge requests et vont faire évoluer des scripts, etc. Parce que tout le monde parle le même langage au final. On utilise des outils communs et chacun revue l'autre. Je veux dire, parce que ok, on n'est pas exactement sur le même scope, mais au final, y a des points qui se rejoignent et le développement s'en est un. Tout à fait d'accord. C'est comme ça qu'on apprend aussi, quoi, en entreprise. Ouais, alors après, un point à pas trop aller dans un autre sens, je l'ai vu dans certaines boîtes où c'est les devs et le langage des devs qui a impacté la prod, en fait, dans cette logique-là. C'est-à-dire, vous n'êtes pas non plus obligé d'utiliser exactement l'outil que les devs utilisent pour faire du front web. Les outils du front web sont très bien pour du front web. C'est pas parce qu'il y a 14 devs dans votre boîte que vous êtes obligé d'utiliser ce même langage pour faire, vous, la gestion de votre prod. Vos développeurs seront capables de changer de langage pour faire des pull requests chez vous parce que ils ont la plupart du temps appris d'autres langages à un moment de leur vie. On a tous appris plusieurs langages, même juste notre langue maternelle et après des langages de programmation. Donc vous serez capable d'en apprendre d'autres. Eux seront capables, vous serez capable. En tout cas, comme tu as parlé, les concepts vont rester à peu près similaires les uns avec les autres. Et c'est comme ça qu'on peut fonctionner. En tout cas, ce qu'il faut à la fin, c'est avoir le bon langage pour la bonne qualité attendue, en tout cas. Et c'est ça, en fait, là où vous saurez si vous avez réussi. Bon, je sais pas si t'as un autre mot à dire là-dessus. Est-ce qu'il y a quelque chose que t'aurais oublié Non, je pense que c'est à peu près tout. Ça fait une heure. Donc, je pense qu'on est pas mal et j'ai vraiment rien à dire. J'avais essayé d'un peu vraiment tout décrire dans mes articles, c'est vrai. Mais voilà, j'espère que là, ça clarifiera un peu certaines choses. Et un point important aussi, c'est on n'a pas d'animosité plus que ça avec les gens qui font du bash. Hein. C'est on est passé par là, comme on a dit avant. Bah, comme on est passé par là. On est capable de dire que ça peut avancer. Quoi. Bon, par contre, les gens qui un peu trop vantards et qui considèrent que tous les gens qui font pas du bash, etc., c'est des ingénieurs YAML, Kubernetes, machin, anti-tout. Non, ça par contre, là, moi, je ne veux pas travailler avec ces personnes. Voilà. C'est clairement quelque chose que j'évite aujourd'hui. Hein. Je vais être honnête. Je peux imaginer. Bah ouais. Non, c'est. Parce que bon, c'est un autre problème dans notre métier, mais peut-être. Mais j'en reparlerai, j'ai un autre podcast de prévu sur ce sujet-là qui arrivera normalement mi-juin sur justement cette gestion des outils et cette gestion justement de la frilosité à avancer dans les outils. Donc on reviendra forcément sur ce qu'on a parlé là, mais voilà, il y en aura un prochain sujet là-dessus. Bah, merci Mathieu. De rien, mais merci à toi. Pour ce podcast-là, ça a duré même plus longtemps que ce que j'imaginais sur un sujet comme celui-ci. Je pensais pas qu'on tiendrait autant de temps. Donc j'espère que ça a été intéressant pour vous de l'écouter. Et on se retrouve sur le Discord que vous trouverez en lien un peu partout sur notre site web. Il y a un lien d'invitation. N'hésitez pas à nous pinguer en direct si vous voulez plus d'informations, à en débattre, à venir nous parler là-dessus. Ce sera avec joie, même si vous n'êtes pas d'accord. C'est aussi intéressant là-dessus. Et puis on se retrouve avec ceux qui sont déjà sur le Discord maintenant. Pour faire un petit débrief après ça. Voilà. Bah, merci beaucoup. Et puis à la prochaine. À la prochaine, salut.